Bote la bino bandeko balandi ya Top Congo FM boye malamu na manaka. Parlons-en ya mokolo ya lelo ezali parlons histoire. Polimbisi pona mwa retard otobandi emission na biso. Lelo tozali kaka na invité na biso Thomas Luaka, chercheur en histoire. Ndeko Thomas Luaka, mbote na yo. Mbote mingi ndeko tseri kambundi. Alors, tosilisi Royaume Congo. Oui. To consacrele yango deux émissions. Lelo tokoleka na ba royaume misusu. Tout à fait. Tokolobela royaume Kuba pe royaume empire Luba, c'est ça? Royaume non, Kuba non, non. Na royaume Luba. Non non, lelo tokolobela en fait lokola tolongwe en ouest na océan Atlantique, oui. Tozokende vers l'est, oui. Tomoni royaume Kuba et royaume Congo, lelo tokomona royaume de Bateke et puis le royaume Kuba. Royaume de Bateke, le royaume Kuba. Voilà, donc tu côté Kinshasa après tu côté Kasai. Voilà. Et le but est toujours de montrer na bandeko balandi que contrairement peut-être il y a histoire il y a ba colonisateur na mboka na biso, il y a eu une organisation avant l'arrivée du colonisateur. Tout à fait. Avant l'arrivée des blancs, tozala qui organisé na ba village, na ba chefferie, na ba royaume pe ba empire. To découvra qui à travers les deux précédentes émissions ndengeni ni royaume Congo ezala qui organisé ndengeni ezala qui puissant awa na continent africain et ndengeni ni impact pe organisation na yango puissance na yango makasi na yango ba eko na yango et kenaki ti na Vatican ti na Occident na bamboka lolo la Portugal etc. Bref tolobela ki yango. Dans peut-être que le retour est au Baxelo, au Mokwana, tout le bac est en émission passée. Ndomfusu, Zaki, deuxième roi, moi, Nanzingankouvu, Atinda qui te monnaie, Atinda qui va jeune, Baki n'a pas tant en Portugal. Moi, Ndomfusu Moko, comme on a eu Don Henrique, Don Henrique a kotanga au Kenya, Portugal, à peu près, à l'âge de 13 ans, a kotanga à Kouda Salé, à l'étude, Ti a koya kokoma, Sango, c'est le premier évêque. Oyo Azali nommé donc na 17e siècle, oui 17e siècle, Azali nommé évêque na Rome. Donc voilà pour Nakola Kisake, l'organisation était allée tellement loin que Congo, Royaume Congo a produit un évêque au 17e siècle. Voilà. Donc les Loto Kota na Royaume Teke et Kuba. Pe Kuba. C'est parti. Merci Mingindeko. Bon, moi résumé, le côté monaki, tout monaki n'est ni royaume Congo et comme qui na suka après Bitumba ya Amwila, ou tout monaki n'est ni roi Antoni, Ndontoni premier akufa kina tangwa Bitumba, n'est ni ba tentative ya ko réunifier royaume ya ko salama parce que guerre à succession et salama qui ba mikondi ba komi ko soto proclamer Mboutou kota ki na kati ya royaume et tout mona ki deux femmes oyo ba tanta ki ko luka unité ya royaume wana tout mona ki ya liboso comme on a Apollonia Mafuta o abande ko prêcher unité ya royaume Congo et puis jeune fille ya mibale azaki na 20 ans tout mona ki Ndona Beatrice to Kimpa Vita wana tout mona ki po to silisi royaume Congo. Lelo tokoti sikoyo na royaume Bateke. Royaume Bateke balobela kango pena mingite. Mais na kanisa yi kamem ezali important. Po na ko comprendre l'histoire na biso ya lelo, il faut to mona pe ba Bateke. Bateke bango baza banani. Bateke bazali, c'est des peuples bantou, oyo bazali installé na Congo Brazzaville, na sud ya Gabon, et puis na RDC, à peu près Kinshasa, ou le babin Kinshasa, na une partie na Maïndombe. Ezali royaume moko précolonial ndenge ndeko oti koloba, c'est-à-dire organisation politique o esalami avant bamindele e bakoma awa epana biso. Royaume wana e batu balobi ba expert balobi e salami à peu près na même période que le royaume royaume voisin na ye, c'est-à-dire royaume Congo na royaume Luango. Royaume Luango tout monde qui a monté parce que ezali na Congo Brazzaville. Donc depuis création nango royaume wana koya ko perdre indépendance nango na 19e siècle na 1880 ponanini le roi ya Royaume Mubateke, babengiye Makoko. Makoko est un titre, hein? Lelo ba tokanisa keza komba moto. Non, Makoko ezali titre. Donc Makoko oyazala ki na 1880 kombo na Iloo premier. Iloo premier akoya ko signer accord na Savornian de Brazza. Oyo atie royaume na ya Bateke sous la protection ya France. Voilà comment royaume wana ya Bateke ekoya ko koma colonie française et perdre indépendance nango. Donc toke ko lobake royaume wana esila ki situé en onano géographiquement. Géographiquement omoni ville ya Kinshasa. Ozui Kinshasa donc na koloba Ngaliema, la Gombe omati plateau ya Bateke, plateau ya Bateke okotima Indombe. Na Kinshasa il y avait la population moko ya ba Congo. Bango cité na bango monene o ezalaki na Kinshasa, babengi bango ba Umbu, cité na bango ezalaki na Lemba, hein, oyo babengi Lemba, chef Lemba, c'était un Mumbu. Donc mes koto ya fleuve Nyonso ezalaki Bateke. Et puis parti à Congo Brazzaville et puis dans sud ya Gabon n'entolbaki. Voilà les royaumes Teke. Et puis tu es qu'on se rappelle les sous habitations tout monde qui ango tant ba portugais ba na 1482. Portugais moka beta les solo que na 1491 na accompagna kanzinga nkuvu akenda ka bitumba contre population moko na nord ba bande ko déranger. Et zala ki bitumba contre Bateke. Donc bitumba ya royaume Congo na Bateke et bandi le lote peto mona ki ango lisusu ke ba garde corps ya ba roi ba garde rapproché ya ba roi ba Congo mususu ba mani Congo ba zala ka ba militaire Bateke. Donc sikoyo te komona vers 1530 donc na 16e siècle 1530 Bateke ba eko créer marché munene awa na Kinshasa. Ba obenga en Kinshasa te à l'époque ba obenga en Pumbu. Ba eko créer marché munene ya ba esclave. To mona ki ngona royaume Congo, ba Pomberos, Pomberos ezali bana ba milatre ya ba portugais bana ba portugais na ba congolais. O ba komana ba commissionnaire ya ba portugais o ba tika la kana océan. Bangonde ba yaka wana Pumbu. Pumbu ngwe ezalaki exactement wapi? Pumbu ezalaki na gare centrale na esika beach ngobile ezali le romon espace wana. Voilà où se trouvaient les marchés des esclaves. Donc Bateke ba créer marché wana na 1530 et puis bazali ko sala commerce ya ba esclaves. D'ailleurs un grand trafiquant Teke ya époque wana kombo na ye ngobila yango yo kombo etika la beach ngobila. Ngobila était un grand trafiquant Teke qui était un peu les boss dans awana na poule Malebo. Ngobila, Bitch Ngobila n'a rien à voir avec notre gouverneur Gentini Ngobila. Gentini Ngobila azali membre ya tribu babengi batende bavandaka na bolobo bavandaka na ba banunu bobangi. Donc batende Gentini Ngobila azat tende ya bolobo. Aza, ça n'a rien à voir avec les trafiquants Ngobila. Olelo ba pesa kombo Bitch Ngobila. Na 1566-1567, Bateke ba attaqué plusieurs fois Royaume Congo. D'ailleurs, en Bitumba wana, ba bomi trois rois ya ba Congo ba kufa na Bitumba contre Bateke. Vers 1600, Bateke ba continuer na commerce ya ba esclaves en Bango na ba tabac quoi ya côté ka tabac. Na royaume Luango ezalaki voisin na bango côté ya océan. Na période wana vers 1600 nde Bateke ba eko kotisa na culture na bango masango parce que ba portugais ba uti kozwa masango ba découvrir masango na Brésil ba ena en Afrique. Voilà comment masango est commis na 1600 na royaume ya Bateke. Donc ba portugais ndenge bakotaki na royaume Congo bakotaki pe na royaume Teke. Exactement. A passa aussi par Chilong. Mais ba s'installa ki mingite lokola ba s'installa ki il n'avait pas le même rapport na royaume Congo. Il considérait que le royaume Congo était plus évolué que le royaume Teke. Vers 1600 wana pe toye komona ba royaume Teke et développer commerce mingi na Équateur au lieu ko yako comme Équateur Bangala kuna et puis na Bandundu Kasai commerce ezako salama. Donc Pumbu c'était un grand village, un grand marché au Batubande ko yako sala ba course. Commerce na ba 16e siècle wana ba nosa manani. Na ba boîte pour les autochtones. Ah na ba boîte. Na ba boîte na mai ba ke na ba. Na ba boîte ba keiti. Ba kei voilà. et souvent au monde ngopé ba grand commerçant na fleuve au baza ko ken équateur baza ko ya awa et ba bengi bon ba banonu bo bangi mais sikoyo na vers 1700 phénomène moko ko ya ko salama population moko oyo ivani un espace ko ya ko ma RDC vers lac Tumba moni na équateur population moko ivandi wana ba décider ba kati sa fleuve bakende ko occuper nord ya royaume ya Bateke na Congo Brazzaville population na bangomba ba bengi bangomba mboshi bamboshi bauti RDC bakati si bake ko s'installer kuna bamboshi bango banani bamboshi ndelelo ba pesi président Denis Sassou Nguesso na Jean-Dominique Okemba baza bamboshi donc les mboshi bauta Congo démocratique donc ba arrière grand-parents et ça ba descendant voilà ba descendant ba Sassou Nguesso baza ba descendant bamboshi o bauta ka Congo na Bangala bauta ka Équateur. Donc, bah, qu'on s'installe, qu'on a bah, repoussé ce qu'aux frontières et abattaqué vers le sud. Bah, on va occuper le nord. Et puis, dans la même période, tu vois comment on a le sous-sous, phénomène moussoussou, dans le sud, il y a le royaume abattaqué. Bikolo mi balé, il y a le Congo. Au moins, il y a une frontière dans le royaume Congo. Bikolo mi balé, il y a le Congo, bah, comment on s'infiltre dans le royaume abattaqué. Ba traverser frontière parce qu'on connaît qu'on s'installer ba bengi bango ba ntundi na balari balari na ba ntundi ba sa ba Congo oyo ba uti na royaume Congo ba koti na royaume Bateke yango lelo ba vandi à peu près na district ko ba bengi district ka Minduli Minduli ezalaka na royaume Bateke oyo balari na ba ntundi ba eko ko s'installer ba ikomi lelo na Congo Brazza Congo Brazza lelo za Congo Brazza do ba uti royaume Congo ba ke ba s'installer oyo ba mboshi ba uti hein o lelo comme RDC comme RDC ba kepe ko s'installer na nord ba Congo ba ko s'installer na sud yango mona balari baza na sud ya il faut te rappeler que ça fait partie aussi de l'histoire ba tangisa biso na kelasi mouvement ya migratoire oui mouvement ba population ba bengi mouvement migratoire ezagi pour na koluka le bien-être le mieux être koluka mabele ya malamu tamusu bisika bazali bazali kimate tamusu bisika bazali biloko esili exactement il faut ba bouger ça et sous malamu te donc ba mouvement wana ba population oyo influencé ba tribu na ba na situation géographique il y a de l'eau à l'époque ezaki dû na à la recherche du mieux-être tout à fait tout à fait si quand tu comme on a 18e siècle ba na manioko eko kota na royaume royaume teke manioko pe utika ka na Brésil ba portugais mutubaye nango na 19e siècle il y a quelques conflits armés entre ba teke na banunu otomana ki banunu bo bangi. Problème est Zanine. Problème conflit en Utuapi. Royaume Teke ba toléré, ba autorisé, ba commerçant, ba nounou, au ba outaka na likolo, ba ya kakote kabilo kona bango, awa na pumbu. Ba ye ba teki ba kei. Mais avec le temps, ba teke ba ye ko remarke ke ba nounou suki ba ye, kote kabilo kona bango, ba komi ko sala ba village permanent. Ba comment qu'on s'installer quoi ko tonga mo bandaku et tout oh ba teke ba ko ya ko réagir voilà origine ya ba conflit ya ba teke na ba nunu ba yebo te quand même ba comment vanda ba comment vanda ko tonga bandaku voilà. Ba comment ko tonga bandaku donc ba teke ba ko za na chouate ba ko ya ko sala ba opération ya ya démolition loko les a ko sala malelo na ba construction anarchique wana Kinshasa donc voilà bitumbe ba bandaku ya ba nunu babuki banda ko banunu ti na 1880 un accord va être trouvé entre banunu na bateke banunu ba autorisé ba e bateke ba autorisé banunu boya ko continuer ko te kabilo ko na bino mais makambulisi ko tonga bandako po bo s'installer définitivement exacte deuxièmement il faut bo continuer ko futa ba droit de douane hein, ba taxe hein, et pa ya ba kolo mabele donc bateke mais accord wana ko mena te na yana biso e ba accord ba trouvé na 1880 na 1880 na pe Savornien de Brazza explorateur français moko d'origine italienne ayé dans la région a keko signé accord na Makoko. Makoko sikoyo ye avandi wapi? Makoko avandi na capitale royaume Teke eza na mboka moko babengi Mbe. eza lelo na 143 km ya Brazzaville, na nord ya Brazzaville. Nde sika makoko avandi capitale ya royaume yango wana. Sikoyo na ba croyance ya ba teke. Toko mwona ango, c'est des gens qui croient beaucoup na milimo. Balobi roi na biso donc makoko. Ako kiko pousse na pembeni ya fleuve te. Parce que fleuve Congo eza na milimo ya makasi eza na kati. Surtout na na Kintsuka, na bashita Kintsuka wana, milimo moko ya makasi ezalaka kuna, donc il est strictement interdit na coutume ya bateke roi akoma na Kintsuka. Azo konza mboka me ya ba parti ko iko komante. Balobi parce que mukola ko koma Kintsuka, milimo wana ya Kintsuka iko iko bomaye to iko affaiblir ye. Voilà pourquoi mbe et makoko n'est jamais arrivé na Kintsuka to awana pembeni ya fleuve. Ko banga milimo wana ya mai. Si comme comme roi moya comme kunezate roi salinine atindi representant na e comme ngana ko iko kenete ponga pe nazala milimo nanga oba yoka na katina milimo maiwana atindi representant na ye aya ko s'installer awa na rive gauche pona ko tala ba intérêt na ye kwa po population ba tekezalia representant na ye ba bengi ngalie mainti ngalie mainti donc avandi au lelo comme mongalema à peu près côté kitambo na mongalema magasin kitambo mongalema ngalema inti avandi wana les représentants du makoko ya roi awa na rive gauche à s'installer ngalema zaliana a ko superviser ba chef teke bazalia wa entre autres un chef qui s'appelle Ntambo azawa na côté magasin kitambo le chef Ntsasa superviseur na bango ngalema sikoyo tangu nani le 10 septembre 1880 un jeune français tout ko ba savornien de Brazza azana 28 ans a convaincre makoko ilo ba signé accord wana makoko andi makoko andi make royaume na ya bateke et komi sous protection ya France ba signé accord mais si ko comme yé makoko moyen a bouger até aya wana Brazza côté ebalé a expliqué ba chef na yase po bandi make stale azoya na kombo na ye et non savornia de Brazza makoko atini message pa ngaliema alobi ngaliema comme yo za ambassadeur na representant nanga zo mundele wana présenter pa ba chef ba tekenyo so yase ke ngai aza partenaire na ngai to komo collaborer na ye ngaliema a fait la mission akati si na ngambo awo lele komi Brazza mboka mboka batekeza la kana banda ko benga ngomfwa mfwa kokufa bande ko yako bota Brazzaville ngalema ke ku expliquer l'hôpital chef na soti mutoyo bwana voilà comment sa fournia de Brazza a kokeye poste wana ya Brazzaville mais na eba époque communication net ya bon we bande ko sa mandeni donc roi makoko a otinda moto voilà atta na pirogue hein moto akiti aye ko pesa message OK na ebite soki ba ngomba saka system lo coller lo cola ba mboka msezi akina wana na ebite mais en tout cas la communication existe mais si koyo problème ne remonte pas tout na la fois dernière comment il communiquait net savornien de Brazza yé aza français d'origine italienne oui bango awa bateke baolo bakiteke ndenge nini accord ya bongo ko se négocier pe conclure non première chose les gens disent que accord wana makoko a signé a comprendre kango kutete donc baleke la ka esprit donc a comprendre kate a signé kaka et parce qu'il y a des termes là-bas je deviens suzerain suzerain du roi des il y a pas français donc tu comprends même pas ce que ça veut dire. Deuxièmement, il y avait des interprètes, au moins depuis bah, portugais, bah, ya, hein, moi, la communication s'est établie, au moins, il y a un peu quelques bah, Congo, bah, Kenami, Kili, depuis 15e, 16e siècle. Donc, il y avait quand même moyen de communiquer entre bah. Et puis, si vous avez un problème, le 10 septembre 1880, Savornia de Brazza a signé la Makoko. Le 18 septembre 1882, Parlement français est ratifié à Corouana entre Brazza na Makoko, comme quoi Royaume Yabateke est comme colonie française. Donc officiellement, Voilà comment royaume yabateke et ko perdre na loba souveraineté nango indépendance nango. Mais il y a un autre problème qui va se passer. Le 24 décembre 1881, donc une année après signature Yamakoko na Savornia, un autre explorateur akoya awa d'origine anglaise aye dans la zone kombonaye Henry Morton Stanley. Aye à convaincre Ngaliema. Bango peut pas signer traité d'amitié. Donc, entre Ngaliema na Stanley. Non, na Stanley. Na Stanley. Makoko a signé qui na Debraza. Ngaliema signé. Ngaliema au hasard représentant. Voilà, vous comprenez comment l'équation est difficile. Représentant à Makoko, il y a Marc Naye, a signé accord entre Yé na. Henri Morton. Henri Morton a autorisé na Morton traité d'amitié. Tant que ba signé ba papier, ba zukut ba mizukisi na lobo quoi. Donc ba zukut ba mizukisi a basali pacte de sang. Ngalie mana na stalé ba sangisi makila na bango ba lobi donc biso à la vie à la mort quoi. Toko donc ba toko ba pire. Donc voilà comment ba signé à Corona le 24 décembre 1881. Mais et quoi qu'on pose ce qu'il y a problème. Accord Rwanda, il y a 1881, et autorisé Stanley à créer ma poste. Tout le monde a qui a mon histoire à Kinshasa, tout le monde l'a moins rapidement. Tant que Stanley a eu accord dans Ngaliema, Ngaliema a dit non, quoi qu'on crée ma poste, n'a pas été tout. Ngaliema a eu créé poste moko au Lélo Komakitambo, tout le monde a qui a origine à Bakombo, et pas à Bateke. Et si quand on conduit à Vandaka, Kombo wana babenga kango, kombo ya chef, bobakisi kiliboso. Donc, ntambo, mutazaki chef teke, na magasin wana, et pa ya ntambo, bateke balobaka, kintambo, hein, chez ntambo, kitambo. Poste moususu, Stanley a eko kreye, kote ya bichi. Chef bateke wana, zala ki wana komo na ntsasa, chef ntsasa, et pa ya ntsasa, na kiteke balobaka, kintsasa. Kintsasa ya mwenye kwa pesa Kinshasa. Donc, kitambo na Kinshasa, ba créer ango na koroyo Ngaliema a signé na Stanley. Voilà, on va retrouver s'arrêter là. OK. Tozo journal na lokota lingala simana yango tokozongela lisolo oyo tozo kolobela lelo yo na cadre émission Parlons histoire na émission na Top Congo tozo lobela les royaumes Teke et Kuba, hein. Teke et Kuba. Après avoir parlé lors des deux dernières émissions du royaume Congo. À très vite. Tozolo bela ou tozali à la découverte ya ba royaume mibale Teke na Kuba. Na invité na biso Thomas Luaka Lo Senjola, chercheur en histoire. Monsieur Thomas Luaka, alors tosuka ki na esika délégué ya roi Makoko. Oui. Mokonzi ya royaume Teke. Oui. Atinda ki délégué na ina ngambo yo kotoyo na Ngaliema wa parce que ba pekisa ki roi Pour ça, la peine à ébaler. Voilà. Délégué na yé. Alors que yé a signé qui déjà Mokanda Moko na Savornien de Braza pour la compte à France. Pour la compte à France. Pour royaume Kuma, colonie française. Roi, enfin, délégué na yé à Wanangalema a signé même pacte na Henri Morton Stanley. Tout à fait. Alors. Et donc, Azu a signé, peut-être le mot à Kobakisa, Ngaliema, comme on a eu Moussou Sebana, on a eu Moukoko. Moukoko n'a quitté et l'a quitté prince. En fait, Ngaliema a zalaki balobaka, soit azalaki frère Yamakoko, soit azalaki cousin Yamakoko. En tout cas, Ngaliema était dans la famille royale. Ngaliema, pour nous aussi, ça l'a dit, Bakoko n'a eu, ou Bakoya Kobota Massima, Moukoko n'a eu, Adrien Mombele, c'est la famille Mombele, Adrien Mombele, akoye bana na histoire culturelle ya mboka na biso na kombo ya Stervors Nyarkos. Donc voilà comment ce document est signé, mais ça pose maintenant un vrai problème. Le problème c'est lequel entre ba accord wana mibale accord ya Savornia de Brazana Makoko et Pesi Royaume Mobimba, ça veut dire na rive gauche ya fleuve Congo au lelo ko ma Kinshasa. Ezali colonie française. Yesi ko Ngaliema oya signé na Savornia. Savornia lobino rive gauche yango eza concerné te na makamuna bino. wana l'une des raisons oyo ba mindele ba lobi makambo oyo to kwa ko suka to beta na masasi il faut to solola yango ba yeko organiser conférence de Berlin bo ba cause musu sezali ya première cause ya conférence de ya convocation conférence de Berlin ezali conflit makoko traité ya makoko Savornia na Stanley na Ngaliema raison ya mibale eza conflit ya ba français na ba anglais baza ko wele la Égypte conflit ya misato dossier ya misato ba bengeli conférence ya Berlin ezali France na Italie ba ko wele la Tunisie et puis eloko mosusu pe ko tinda ba convoquer conférence wana le 27 parce qu'on a été concerné biso directement le 27 février 1884 Angleterre na Portugal ba signé traité moko boye oyo Angleterre et reconnaître monopole ya ba portugais monopole commercial ya ba portugais sur l'embouchure du fleuve Congo donc embouchure mobimba eza ya ba portugais ce qui fait que état indépendant na biso ekoya ko botama et comme isolé donc voilà ba raison oyo ba mindele ba lobby tokende ko solola na Berlin pour to régler ba problème wana donc koele l'Afrique koele l'Afrique oui les qui partagent l'Afrique voilà. Si ko totala nano mais dans tous les cas quel que soit accord ya wana royaume ya bateke et perdre l'indépendance na bango to koloba histoire na bango et si lui on a été parce que tile loyo makoko azali kaka en vie azali na capitale na nambe mais pour organisation politique et kufaka déjà na période on est ikali sikone makoko comme roi donc descendance na azali tile lo nambe na Brazzaville pas lui mais sa descendance oui sa descendance donc oui. C'est les titres donc okay. Hein, les rois est toujours là et peut-être pour nako ko expliquer ba dekonabiso parce que tant tozolo ba bateke bateke peut-être ça ne dit rien aux gens n'a pas ça quelques combos ya bateke Omar Bongo wazala ki président ya Gabon azala ka muteke muteke ya Gabon et nanyo yo vienanga Marco Bangouli ancien ministre des finances ya transition azamuteke yende ku président ya bateke ya RDC et puis professeur Jean-Jacques Muyembe oui à INRB il y a ma kamba COVID azamuteke et puis kombo suka na ko pesa référent Kim Kwim azali professeur ya na UPC il est pas azamuteke donc bateke bazana biso awa ti lelo yo mais royaume organisation politique na bango basalaki to ko koloba et kufa Kim kolwana mais to mona quand même organisation ezalaki ndengene unité de base ya royaume bateke ezalaki ba chefferie tout monde qui est moyen na royaume Congo ce sont les chefferies chefferies à regroupement ba village et loko mususu et pa ya bateke fonction de chef était héréditaire soko za mukonjo kufi mwana na mutu akozwa contrairement à royaume Congo exactement les fonctions étaient héréditaires sauf fonction royale makoko azalaka élu ezalaka héréditaire et loko mususu tokoy koloba en particulier pour na ba bateke bazalaki na eloko mo bane ko benga nkira nkira za nini nkira c'est un esprit de la nature donc na chaque chefferie chaque province ou village eza na nkira kira nango donc l'esprit de la nature oyo azali ko protéger territoire wana nkira yango nde eza ko veiller na bien-être ba habitant ya chefferie kira wana eza ko guider chef na tango ko zo ba décision Kira wana eza ko combattre ba mauvais esprit oyo ko attaquer chefferie et puis nkira nde pesa ka fertilité na mabele et puis na basi. Ba droit ya chef et pas ya bateke za la kindengene comme propriétaire terrien. Et pas ya bateke soki obomi nyama munene na kolba neti ngulu azamba pakasa lokolo moko ya sima ya nyama wana il faut même la chef. Soki nyama wana obomi eza nzoku nzoku wana tango akokweya pembe na ye oyo ekotouche mabele liboso pembe wana ifo memelango chef et puis que tango comme chef azalaki pe juge et pas bateke chef a chef azalaki juge azalaki assisté na batumi bale babane ko benga wamba amenye et puis eloko musu tokoye komona epa ya bateke avant aussi la na bango ezali eloko moko babengi nkombi kombi ezali nini kombi ezali ki mwa panye moko ya mukeboye panier wana ezalaki panier moko sacré ezalaki supposé yango nenkira tango yaka kopema molimo ya ya territoire wana tango yaka kopema akotaka na nkombi wana donc kombi wana ezalaki très bien protégé na ndako moko boye et puis nkombi wana nde ezalaki justification ya pouvoir ya mokonzi mokonzi oyo abungisi nkombi na ye donc esika nkira yaka kovanda soko bungisi kombi na yo oza ko retrouver ngote o perdre pe bokonzi na yo na fonction na yo esili donc vraiment voilà ba croyance ba teke bazalaki nango mais makoko azalaki élu ndenge touti komona ba chef musu bazalaki héréditaire makoko le roi ye azalaki élu par à peu près une dizaine de haut dignitaires ya royaume et loko musu su en particulier chez les teke na royaume ya ba teke le roi n'avait pas d'armée Mokonzazaka n'armete. Contrairement au Royaume Congo. Contrairement au Royaume Congo. Ce sont les chefs et les gouverneurs de la province ne sont pas en armée. Ils sont en armée. Armete. Si les gouverneurs de la province ne sont pas en armée, ne sont pas en obligation de défendre le Royaume contre les envahisseurs. Tout le monde a quelques envahisseurs. Le Congo, qui ont envahi le sud, le Ntsundi, le Lari. Tout le monde qui peut envahir Mboshi et puis envahir Bobangi. Le roi Makoko a bande ko tenir pouvoir na ye, na relation na ye na Nkwembali. Nkwembali ye nani? Nkwembali nde mokondi ya bankira, ya ba esprit, ya esprit à nature. Nkwembali c'est l'inkira qui gère tous les territoires du royaume. Donc, roi azalaki na relation ya mulimo wana, l'esprit de la nature, ba bengi ye Nkwembali. Et puis roi Zalaki symbole ya unité ya royaume. Pona ko gouverner malamu royaume abateke, roi Azalaki obligé ya kolanda initiation moko boye secrète pendant 9 jours. 9 jours ba initié ye na période wana 9 jours akokota na contact na esprit wana Nkwembali, le grand esprit et puis il faut ba milimo ya ba roi oyo ba gouverna liboso na ye bandima ye po akonza royaume ya bateke devoir pona point ya suka pona kosili sa royaume ya bateke devoir principal ya roi ya bateke donc le makoko ezalaki il faut garder le royaume prospère en accomplissant ba rite nyonso oyo tradition na bango e bande ko senga voilà esika to suki pona royaume Pona royaume teke. Pona royaume teke, oto zalaki nango ya koyebi sabino lelo. Juste une question. Royaume teke, et connaître penza penza ba turbulence à ma kasite neti royaume Congo. Et connaître, bon, la différence entre le royaume Congo, c'est que toza la documentation mingite si le royaume teke par rapport au royaume Congo. Royaume Congo, comme ba portugais ba koma ki déjà wana ba ndeko vanda, on a beaucoup de témoignages Oyo ba portugais ba missionnaire banani ba commis sur le royaume Congo c'est l'un des royaumes le plus connu en Afrique parce que documentation est allée mingi et pas yabateke ba source mingi et ba source orale d'accord merci beaucoup et que retenir aussi par rapport à Kinshasa quel a été l'impact du royaume Teke dans la configuration de la vie de Kinshasa parce que oyebi tolobela ki Kinshasa oui. Na ba premières émissions tout ça là qui je si pas la première émission tout à fait. Kinshasa ya bateke Kinshasa ya bateke bon on en parle beaucoup impact des akimini ndenge to tu komona wa parti ya Kinshasa o eza pembeni ya mai ko banana ngaliema ti na ba maluku parti wana nyonso fait partie ezali morceau ya royaume ya bateke Tomonaki awa ke Stanley a créé deux postes na ya liboso ya Kintambo na Kinshasa Kinshasa oye ko ya ko koma Kinshasa na évolution ya makambu Kinshasa Leopoldville na 1er juillet to profiter pe te rappeler yango le 1er juillet 1923 roi de Belge a décidé kolongo la capitale ya Congo Belge na Boma a memi yango awa na Kinshasa. Donc Kinshasa est comme capitale na 1923, ce qui fait que année oyo 2023 Kinshasa est ko fêter 100 ans nango comme capitale ya Congo. D'ailleurs, tu as une émission spéciale à l'occasion, 99e. Voilà, exactement. Il y a encore 99e, tu as l'année passée, tout royo, tu as une émission spéciale, tant que 100 ans et Kokoka. Et puis, Kinshasa, tu as un peu Léopoldville, en 1966, tu as changé combo et tu as ville ya Kinshasa. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, mais à l'origine, population bané ko vanda awa ezala ki bateke et puis na katikati ya mabele kuna vers Lemba na ba territoire mse kuna ezala ki ba umbu nde bazala ki komba se mélange ki yango lelo ba kuma ko benga tribu wana ba teke umbu. Mais ba teke il faut te rappeler bazali na Kinshasa, bazali na RDC, bazali na Congo Brazza, bazali na Gabon. Exactement. D'ailleurs pona ko lakisa ba rela er moko ba tuba mona ka pe politique ndenge évolue aka venanga Marco Bangouli abande ko sala deuxième république akende ke exil po azonga awa na tango ya transition azwa ki recommandation ya ndeko na ye vie na ye Omar Bongo président ya Gabon yinda recommanda ke pa président Kabila. Voilà comment vie azonga ki awa. Donc ba connexion tribalo ethnique avant colonisation ezali ko persister na si ko ezoko impacter ezali ko impacter vie politique na vie politique ya lelo. Alors tozwa deuxième royaume na biso ya mokolo ya lelo le royaume Kuba. Le royaume Kuba, royaume Kuba eza wapi lelo yo? Royaume Kuba eza na Kasai occidental, ezali na mwa triangle moko ezali formé na rivière Sankuru, rivière Kasai na rivière Lulua. Espace wana nde esika royaume Kuba ezalaka. Royaume Kuba ezali fédération ya babikolo ebele. Babikolo ebele bande kofana na kati yango mo bato tango ba kangamanga na babikolo ngana za ekolo boye toye baka ba ekolo evoluaka. O lelo babengi ba Kuba à l'origine il y avait plusieurs tribus tozalaki na bakete ba lele ba nding ba luba ba lulua na ba mongo. Bamongo, c'est un univers quoi. Mais Bamongo, bazala ko concerné, ezala ki bandengese, ba ikolombe na ba tetela. Wana ba sous-groupe ya ba tribu Mongo. Voilà yango ndeko ya ko former leloyo le peuple Kuba. Mais politique Kuba ekozala influencé en particulier na groupe Mibale. Groupe ya bato ba ko uta na nord, c'est-à-dire le peuple Mongo. Ponanini lelo yo dans la culture politique Kuba to ekomona ke ba Kuba bazana notion en kumu. Kumu c'est un concept politique oyo e utie pa ba mongo kumu. Et puis deuxième groupe quoi ko influencé politique ya ba Kuba eza ba to ba uti vers du côté occidental. Donc vers le Bandundu les ba Congo. Bango pe bakoya ko influencé yango wana epa ya ba Kuba. Le royaume Kuba na ko koloba ezali rencontre ya culture politique ya ba Mongo ya nord na culture politique ya ba Congo. Ya ba Congo po na nini trace toza na ngole loyo mokonzi epa ya ba Kuba babenga ka enyimi ni meza ko rappeler biso nani Nimi Lukeni fondateur ya royaume Congo. Donc voilà, c'est la conjonction de ces deux cultures et ko créer royaume Kuba. Sikoyo royaume wana vraisemblablement et botami vers ba 12e 13e siècle. Donc e bandi vraiment kala ancêtre fondateur ya royaume na bango kombo na epe Nimi Lele ou Nimi Long. Donc ba récupérer kombo oyo ya fondateur ya royaume. Ya royaume Congo donc mutuana descendant ya nabito so ki descendant Nimi yepe mutayo ke créer royaume Kuba. Et puis, donc, l'ancêtre fondateur, c'est Nimi Lele. Mais vrai organisateur, il y a royaume Kuba, Ezali, un certain Chia Mamboul, na début du 17e siècle, yé moutako ya koumé ma ba innovation belé na kacha royaume wana, entre autres, yé moutako tisi maïs na manioc, to mouna ki déjà, na 16e siècle. Ba portugais, ba outi na mouna. Voilà, 16e siècle, koma ki déjà pa ba teke, na 17e siècle, ndé maïs na manioc et comme na Kasai et pas ya ba Kuba et puis à quoi améliorer technique et extraction ya mafuta mbila et puis et pas ba Kuba bazala ki na trois classes sociales, c'est-à-dire bazala ki na ba noble ba propriétaire terrien ba roturier ou ba population ba tunyonso na ba esclave. Comme na royaume Congo, mais tout le bien nous enfin tout le bien là-bas spécifique dans l'ango, mais maïs na manioc ba portugais ba baye nango. Oui, ba outi nango Brésil. Ba outi nango Brésil, baye nango alimentation. To comme aliment to oui. Ba na royaume Congo. Congo. Et puis na royaume Teke. Teke. Mais ndeni ni à la langue qui s'est développée mingi na centre. Bon, maïs c'est comment qu'il bosse dans le bac à monter pas bateke, mais tant que vous découvrez manioc, manioc est quoi qu'on soit plus de succès pas bateke que maïs. Mais au moment où c'est quoi, tant que biloko on est comme na centre, qu'on a pas c'est quoi yo, bah c'est pays na on a connu si c'est par rapport à y a bagui à chaque bateau quoi, bah c'est pays na on mingi, bah développer en, bah développer en. Sikoyo neti na royaume Congo pouvoir ya roi pouvoir ya ba, ya roi ba bengé nimi et pa ya ba kuba ezalaki partagé entre ye na ba noble ba noble ya royaume les nimi les rois et pa ya ba kuba azalaki komona na lokola un être supérieur azalaki lokola moi Superman moko il n'est pas comme nous roi azali kolo ya batinyoso pona nini parce que ye azali na contact na milimo ya bakoko comme azali kolo ya batinyoso il y a un problème de koti lelo et se posa ka dans les sociétés africaines il y a lelo oyo ba société na biso ya Afrique et créa lien makasi lien de solidarité makasi entre bana ya famille moko ba tu as tribu moko ba tu as clan moko ba lien de solidarité on est makasi mais en même temps biso nyonso tozana mukondi besoin ya mukondi oya kozala likolo na biso nyonso donc les problèmes qui se posent comment kokata ba lien entre mukondi na bandeko na ye na tribu na ye parce que les problèmes se posent aujourd'hui dans toutes les sociétés africaines mutu soki botie na chipoyi traditionnellement tomatsaka mokondi yemo kona chipoyi mais dans les faits concrets de tous les jours mokondi akoma komatana bande konaye mama bana baleki bana bango tu bakomatili kola chipoyi komi kilo ces problèmes se posent chez les kuba nenge nini kokabola le nimi na famille ya papa naye na famille ya mama naye voici la solution que les Kuba ont trouvé. Premièrement, ndengeni ni kokata ba lien ya mokondi na famille ya tata na ye. Les bandeko eza un peu technique mais boko comprendre ngo malamu. Comme pa ya ba Kuba comme mutu a succès daka, poko manimi ezali bana ya sœur na ye, ba neveu, hein, bana ya sœur mutu a remplace ça. Alors les Kuba ont créé un mécanisme ba sœur nyonso ya nimi ya roi na royaume Kuba bazalaki babenga kango les privilèges polyandriques na ko expliquer et la kisinine c'est la seule femme en Afrique au bazalaki officiellement na droit ya kozana mibali ebele un sœur ya nimi aza na droit ya kobala mobali ya lingi oza la marié te soka sepeli na yo. Azu yo, o divorce na mwasi na yo. Oh. Ouais, o komi mobile na ye. Bonani. Non, c'est la coutume et pas na bango. O comprendre l'utilité na mwa après. Donc, le privilège, azu yo, abali yo, atyo nanda kuna ye. Ba sœur ya nimi. Deuxièmement, tango azana mobile na ye nanda ku. Azana droit, c'est reconnu chez les Kuba. Ndeko ya nimi ya mwasi azana droit ya kobima na mibali misusu. Donc pona ye adultère kopekisa adultère ezalaki ko concerner ba sœur ya nimi te. Voilà le premier mécanisme. Conséquence nango nini ndeko. Conséquence nango mwana oyo aboti to bana oyo aza kobota na ndako na ye baza ko considérer mobali ya mama na bango lokola tata na bango te parce que mama azana mibali ebele. Mwana ana e community bana ya batu nyonso. Donc famille ya mobali azana ndako. Baza ko considérer bana na komba ndeko na bango te. parce que bakoki kozala bana n'importe qui. Voilà comment les Kuba bazui solution ya kokata bana wana na famille atata na bango. Donc ba futur nimi o bako remplacer nimi bazana tatate. Premier mécanisme. Et tikali sikoyo lien na famille ya mama bakokata ngo ndenge nini. Soki nimi o yaza ko régner akufi. Tango akufi ba notable bakutani. Ba poni panda parmi ba candidats successeurs na lobi toujours et pas ba kuba, ce sont les neveux, les enfants de sœurs nde ba remplaçaka noko na bango. Ba notable ba zui ba neveux ya o yakufi ba bandi kopona nani oyo azali na ba qualité po akoma nimi akoma roi na biso. Sikoyo tango bazui babani kotala ba qualité oyo aza mayele, oyo aza sage, oyo aza courageux. Donc tango sikoyo bazui ba retenir moko balobi yonde kokoma roi na biso ba poniye ba elirie. La veille à intronisation, l'investiture aux États-Unis, on est ça le 20 hein, janvier. La veille il y a investiture, il y a intronisation. Famille à maman dirigée na noko donc ba maman ya nimi wana. Famille à maman, ba maman leki, ba noko, tout ce qui est la famille de la maman, ba koya ko surprendre nimi wana oya ko koma roi lobby, ba ko suspendre ye ko suspendre ye na aza ko sala ekobo na ndeko na ye ya mwasi to mwana ya noko na ye petite sœur na ye to cousine na ye mwana ya noko ba famille ya mama ba buki porte ba kuti bango noko abandi ko gengela nimi wana lobi yo za ndoki makambo yo esala makate lokola o violer tabou ya inceste na famille na biso. Et là, on a beaucoup qu'on a besoin de pékisa. À partir de l'élo, to longolio na famille na biso, to benganiyo osali susu membre famille na biso te, lobi nango ba intronisé akomi nimi akomi roi na royaume Kuba et la kisinini azanga tata azanga mama et pas ba Congo ba benga kango kondolo mpangi. Muto azanga tata azanga mama akomi mokondi. Donc jamais nimi okoya okuta balobi tata mwasi azolu ko na porte o mama leka azakuna parce que nimi azana tata te nimi azana mama te. Voilà la solution que les Kuba ont trouvé na problème oyo ya mokondi ya bokondi ya kifami mokondi ya kindeko ki bokondi ya tribu na lobi te tozo ba recette wana na niveau na biso tokoyi ko réfléchir ndenge nini ba mécanisme msu tokoyi ko trouver lelo pona ko résoudre ba problème wana na niveau nyonso oza la gouverneur ministre problème wana ezako se poser ti lelo yo na ba pays mingi africain. Donc voilà un peu la solution que les Kuba ont trouvé à ces problèmes, couper les liens ya famille ya papa na ya maman. Et puis epa ya ba Kuba roi abandai ko gouverner ye mon côté azalaka na ba conseil na olobaneti mwa ba mini gouvernement ezalaka 4 moko ba bengi yango ya liboso imbam eza les conseils du couronnement eza nombre ya ba notable o ba procéder kana élection nimi ndenge to tikomo na ba élire nimi et puis bango nde ba ko couronner ba bané ko se réunir de temps en temps pona ko sala ba reproche et pas à roi, ce qui roi n'engazo tambo le longobanite, c'est le imbam, le conseil de couronnement nande kokutana, bake komona roi po basala ye ba remarque na façon azali ko konza mboka ou bien ko pesa ye ba conseil. Mais il y a une particularité aussi pas ba Kuba. Lorsque mokondi azali susu koyoka batute a komi na lo ba dictateur oyo ya lingine ya sali Bakuba ba créé ki mécanisme moko boye pona problème wana na hypothèse wana. Ba notable wana bazali obligé kokende komona mama ya nimi. Bake komona ye ba ebisiye mama mwana na yo aza koyokela lisusu batute. Toko pesa ye ba conseil aliko yo kabisote kende kosolola na mwana nayo. Na coutume ya bakuba mama wana ayebi démarche wana la kisinini. C'est le dernier avertissement. Soki ba notable ba ke komona mama ya mokonzi, poa ke nosola mwana naye, mama ayebi ke eza avertissement asuka. Soki nimi a changé te bizaleli naye, alandi ba conseil ya ba notable te aza mowei. Et tokoye komona par exemple un roi qui s'appelait Mbo Mbosh, ye atikalaka mingi na pouvoir a vieillir. Tango a vieillir, boye bakangope na coutume na biso ya ba bantu, mokondi azali ko incarner santé ya communauté. Soki mokondi akomi ko bela bela, akomi ko lemba lemba, e koki pe ko affaiblir communauté, koki ko affaiblir mboka. Yangona na ba coutume na biso, soki mokondi akomi ko bela bela, bazayaka na habitude yako bomaye. Yango conseil ya oyo toti koloba ikam en ce qui concerne le nimi mbo ce qui s'est passé ba notable wana ba pesi instruction na basi ya nimi ba basi ya nimi bakendeki ko etouffer mokonzi na pongi naye. Exemple wana exemple ali boso exemple ami balé c'est plus récent. Dans les années 1970, ce côté ça na tango ya période na biso. 1970 mutabete linga li solo yo vient nga ya tika biso ambassadeur Ramazani Baya, azalaka dernier ambassadeur ya Mobutu, azalaka ambassadeur Mobutu na France et puis plusieurs fois ministre, même ministre des Affaires étrangères, il y a président Kabila. A ko la PC qui met assez quoi. Abete linga li solo bi dans les années 70, le président Mobutu a eu information. Les Nimi, il s'appelait Bope. Les Nimi Bope qui règne là-bas dans le royaume Kuba, a yoki ke parmi basi naye po roza la capitale na basi ebele. Parmi basi soki basi ki soki 20 na ebite. Moko abimina garçon moko boya Kuba na kati ya village donc a commettre adultère. Roi Nimi Bope atindi ba ke kokanga garçon ana. Ba yelie garçon ana, roi azui mbeli, a égorgé garçon ana loko la taba. Oh. Rapport est comme pas maréchal. Maréchal azui hélicoptère a kititi na kasai. A keko solana nimi bope. Ah ben, toza na kati ya république. On n'égorge pas les gens comme ça. Obuma mutu loko la nyama. Non, c'est inacceptable. Mi pe koza na kati ya mboko yu. Nima lobi non. Il a porté atteinte à mon autorité. Je ne pouvais pas laisser cet acte impuni. Il y a qui a affecté l'autorité. Donc, dialogue des sourds entre Nimi et le maréchal Mobutu. Tant que vous avez un passe, quelques notables, Bengi, et Sengi, moi, appartenant à maréchal, et Bakena, maréchal Pembeni. Et si maréchal, papa maréchal, tu comprends le problème. C'est vrai, je suis un peu plus de temps, Zaïre. Mais ce qui est au qui Kokangaye, il est très populaire, et pas Nabiso. Nimi Bope était très populaire. Il va y avoir des émeutes aux côtés d'armée. Bakobo Mabatu, nous, on peut éviter Makambouana. Est-ce qu'on peut faire ça, confiance? Tiki Nabiso, temps de régler le problème. Ah, Maréchal a dit, ok, moi je vous fais confiance, mais réglez-moi ces problèmes. Maréchal a joué l'hélicoptère à Kei. Après quelques temps, bah, notable, on a bien ici. Parmi basi anime hein mukolande na eba ki ba polygame bazala na mwa calendrier hein lelo tour ya nani lelo tour ya nani donc ba ben si jeune fille moko ba biyo lelo za la tour na yo o passer nuit na mokonzi. Voilà ce que biso te proposer tango bokolala na butu yo soka lali ya komi ko ronfler fungola fenêtre tango fungola fenêtre hein? Fenêtre ou bien porte okomuna singa moko bako peso singa. Yue loko to sengi yo, zwa kaka singa wana lekisa na mutuna ye. Soko lekisi ka singa wana mutuna ye, lobi nango, biso toko pesa ombongo na tike avion, oke ndo refer vi na ona Kinshasa. Parce que c'était des mariages presque forcés quoi, on prenait des gamines, pa ke obali sabango epa mokonzi. Jeune fille wana asaline ni, andimi dilwana. Na butu balali na chef pongi, nimi bope azo ronfle, Fiona Fongoli fenêtre, Singekoti, Alexia Namutu, bapomba na libanda ba bendi singa nimi akufi na pongi na butuana na tongo ba yeko annonce ke mokondi asala ki crise cardiaque. En fait il avait aussi vieilli hein? Il a beaucoup régné bakuba ba considérer ke loko la komi vie bo alembi akoy ko affecté santé ya royaume na biso. Voilà comment l'avant dernier nimi oyaza le loyauté oya succéda ki. Voilà comment l'avant dernier nimi bope a été tué na royaume Kuba parce que il avait trop vieilli et puis a commencé à poser problème politique na maréchal. Donc voilà l'une des pratiques de Rome Kuba. L'isoloyo, est-ce que ça a solé ça le kota na pisibino source nangai? Ils ont témoigné. Bah témoignage ambassadeur Ramazan qui était très proche du maréchal. Donc trois deuxième one ezala qui conseille à Libo. Ce conseil ami balé ba bengi yango Ishiam ezala qui chargé ba ya gestion des affaires courantes. Donc, tout ça qu'on expliquait, hein, ce qui est ni mis à comme vieillir ou bien comme dictateur, il y a des mécanismes à neutraliser. Et puis, voilà, bah, conseil, c'est là qui m'ingé. Et puis, conseil à Souka, bah, e-bank, c'est là qui, n'est le conseil national, moko boué, bah, ça qu'on se réunit sur la place publique, population, qu'on l'a d'abord départ, bah, ça qui va te bélé. Décision à e-bank, et bah, n'est à l'unanimité. Il faut que Batunion soit participé, bah, ça là, d'accord. Mais vote, c'est là, kate. Et pas, bah, Kouba, vote, c'est là, kate. Na kati ya conseil na ibanki il faut bo discuter ti boko zwa unanimité et puis donc bazala ki on a pona ko contrôler pe boko ndia roi n'était pas librement mais roi pouvoir mususu zaki nango dans les royaumes Kuba il y avait une police la police o zaki na maboko ya qu'on appelait colmat c'est la qui police pona ordre quoi sur ordre public et zaki ko dépendre na roi. La police était aussi le mécanisme au roi abandé qu'on contrôlait les notables wana au bas dans la capitale, tout au bas dans la province. Donc abandé qu'on se contrôlait réciproquement. Justice dans le royaume Kuba. Comment ça s'est passé la justice dans ce royaume? Et puis abandé comment vers la fin. Dans le royaume Kuba, la contestation à Pamba, et c'est là qui réglait au niveau du village. Chef du village a eu dossier à traiter, à régler en moi. Mais ce qui a fait, ils en ont besoin, ils qu'ils en appellent. C'est le tribunal et la capitale, Mutenda Kostala, comme cour d'appel. Mais pour le dossier, il y a les affaires graves, tout le conflit, ils ont opposé le noble Mibale, tribunal et la capitale, Mutenda qui ont jugé Bango, la première instance. Et puis, le dernier ressort maintenant, c'est le roi qui intervenait, Azala qui était cour suprême. Et c'est là qui dernier recours. Wana tozolo ya toujours l'époque précoloniale. Précoloniale. Tout ça, ça s'est passé avant Mindele Baya. Mundele ya liboso oyo akoku découvrir le royaume Kuba nazana date ango awa. C'est il s'appelle Da Silva Porto a commis na royaume Kuba le 13 août 1880 dans le 19e siècle. 19e vers la fin du 19e siècle. Ne Mundele ya liboso commis. Toute cette organisation se passe avant ba Mindele Baya. D'accord. On va y revenir justement, pour conclure tout à l'heure, après flash d'information, l'isoloyo, tolobeli, nan royaume teke, sika tozolobela, royaume Kuba, na invité d'abisso, Thomas Louaka, chercheur en histoire. Top. Parlons-en, parlons histoire aujourd'hui à la découverte des royaumes teke et Kuba, toujours avec notre invité Thomas Louaka, Los Angeles, chercheur en histoire. Alors, Ndeko Thomas Louaka, tokome ko sukisa. Oui, tu comprends ce que je disais. Pour Batobatou, on a quelques questions, oui. Si possible. Tu conclures Nini par rapport à. Oui, tu comprends qui n'a. Justice n'est pas organisée. Mais chute du royaume Kuba. Le conflit, il y a conflit à succession. Et quoi apparaître la tension entre deux camps. Comme tu m'as dit, il n'y a pas de Kuba, il y a un cas, comme on dit chez les Bakongo. Bangonde ba remplaçaka noko na bango. Mais si ko bana ya roi, baza ba successeur na ete, bana ya roi, ba komi kokote la, tata na bango, contre ba neveu na ye. Donc, et comme bitumba siko entre bana ya roi na ba neveu ya roi, ba tension ba niko koma, ba conflit ba niko botama, par exemple, à un moment, il y a un roi, nimi, ba neveu na ye, ba zui ba sali complot, po ba tumba naku. oyo azalaki na kati mwana na ye ya mwasi akoya kosauve ye abimisi amemi ye na mokongo akimisi ye donc situation ekomi ekomi mobulu e jusqu'à un tel point que na 1885 ba conflit wana ekoya kodégénérer na guerre civile ebani na kati ya royaume royaume Cuba et puis ndenge na ote koloba ba mindele pe bakoya kokoma Silva Porto kokoma na 1880 na 1885 mutu mususu akoya kokoma 1884 von Wissmann un allemand qui s'appelle von Wissmann akoya ko découvrir royaume Cuba koma pe makambo mingi sur le royaume Cuba makambo mingi toyebi eza pe témoignage ya mundele wana ou a découvert qui donc voilà comment petit à petit royaume Cubano décliné tangu pe na 1885 ba créer état indépendant du Congo état indépendant du Congo yo banda ko étendre autorité na bango état indépendant du Congo yo créer poste moko ya ya armée na Luluabourg poste na Luluabourg et ko kené ko attaquer royaume Cuba parce que ba linko ni malinko se soumettre na autorité ya état indépendant du Congo té armée force publique ko attaquer ba piller capitale voilà comment histoire est la carte histoire Rome Cuba et aussi là lelo etika la Nime Azali actuellement c'est le Nimi Kwete qui est là que j'ai salué au passage il est là mais voilà histoire ya Rome Cuba otuzaki nango ya ko betela bino lelo et suki ah. Merci beaucoup Thomas Luakalo Senjola chercheur en histoire 085 000 4440 089 44 44 471 tous quelques questions dans la mesure du possible 085 000 4440 089 44 44 471 mais tout autant à plus bas message hein, à 089 44 44 470 allô allô tous amis tuna bozala mituna par rapport à royaume teke to royaume Cuba rapidement bozala 10 minutes pour la reposer allô allô, bonjour papa Thomas Loaka, bonjour papa Thierry. Accord au Stanley na représenté à Roi Makoko Basinia qui est qui accord nini pe makambo ya ya kozokisana komela na makila e banda e pa yangale mana sanle na madame Viviane Lokelo. Et là qui accord nini, il y a gestion traité d'amitié, session il y a nini. Traité d'amitié où est autorisé Stanley à créer ba poste na ba territoire oyo ezaki na autorité en Galima. Pacte de sang ya ko sangisa makila ba melaki te ba sangisa ki makila na ibite soke bandaka la. Mais voilà. Na ibike ba sala ki. Merci. Allô bonjour. Allô. Bonjour Frère Thierry. Oui bonjour ndeko mutuna mes amis. Mutuna reza bonjour papa Paul Tomalo Waka. Bonjour ndeko. Tungu bakubo bazana lusambu zo bakuba ba uchi wapi? Bakuba o bazana lusambu ba uchi wapi? Oui, parce que à un moment ozana rezo ko tuna, à un moment le royaume s'est étendu, hein? Royaume na omoni anglo na pesa ki wana, mais avec le temps comme c'était un royaume puissant et s'étendre kota ki tina lusambu. Ozana rezo bakuba pe bazana lusambu bazali. Merci. Na cadre ka europanzana ndenge tu exactement. Expansion à royaume. Allô bonjour. Allô bonjour. Oui, Neko. Oui. Malobi Bouya. Oui. Nani, papa Thomas Luaka a péché soir depuis il y a état colonial. Quand il y a état et suco ou autre, vous allez à l'obin. Oh, papa Kei, malheureusement, si, Motuna a été. Mais il y avait aussi un message d'un éditeur, on a autant rapidement. Je suis avec grand intérêt l'émission avec Thomas Luaka. Ngobila est un nom. Banounou Bobangi, le gouverneur a une double parenté, Batende et Banounou Bobangi. Quelques points, Banounou Bobangi ont été pendant longtemps le groupe qui a contrôlé et pratiqué la pêche et le transport le long du fleuve. Ils ont permis aux Bateke de passer le Congo vers Kinshasa. Les Bateke n'avaient pas le contrôle du fleuve. Complément, il y a Mongara Moko, Azolanda Biso, Atinde Biso, message Wana. Message Mosusu, SMS. Bonjour Papa Thierry, Papa Losenjola. Encore merci pour l'émission si instruisante. Papa Losenjola, je me rends compte que nos royaumes étaient plus démocrates que les républiques d'aujourd'hui. Pouvons-nous affirmer que la démocratie est l'apanage des Occidentaux? Jilbi si tout à la depuis Kimbanseke. Le royaume Nabiso, moi, ils arrapent la démocratie. Peut-être moi, petite remarque à niveau. Na. Démocratie, c'est l'apanage des Occidentaux, mais voilà la difficulté de ça dans le Congo. Na Congo, c'est en Afrique. Démocratie, c'est l'école équipe mi balé à foot, c'est ça qu'on Real de Madrid à Paris Saint-Germain. Tant que vous stade, vous avez un stade, le public est voté arbitre. Bako pona capitaine soit à Real soit capitaine à Paris Saint-Germain. Capitaine wana azongi na vestiaire akeko longola tenue na ye. Ya équipe na ye, maillot na ye équipe na ye azongi na tenue arbitre. Siko difficulté to sakanango, est-ce que arbitre wana kozala objectif à quoi arbitrer pendant match ndenge longobani ou bien kozana ba tendance. La difficulté là est dépassée en Europe, aux États-Unis. Capitaine a comment vraiment arbitre, n'a pas beaucoup comme ça, comment capitaine d'abord arbitre, Bisso, Hermo, tout le monde a supporté, il y a équipe, il y a arbitre à Kala, mais ça, Benda Bendaye, n'a côté n'a pas bon, n'a pas beaucoup cet exemple, mais ça, c'est meilleur. Tous auditeurs, mon sou, bonjour, Ndeko, tout nana, Ndeko, Thomas Luaka, Royaume Congo, Ezalaki ensemble, et Bandundu, Congo central, Tobandundu, Ezalaki, na Kuba, Wata, Blaise. Non, Bandundu, une partie, Ezaki na plateau Abateke, Ezaki na Royaume Teke. Une petite partie à Bandundu, côté à Popo Kabaka, non. Oui, côté extension à Kimvula, Ezaki na Royaume Congo. Tous les auditeurs, Moussous, 085 000 44 40, 089 44 44 471. Allô? Bonjour, Papa Thierry. Bonjour. Bonjour, je vais inviter à l'issue. Bonjour. La première question est suivante. Oui. L'histoire est à Tibindré, Tibmao, à la Kuba, où tu as vu. L'histoire est à Tibindré, Tibmao. Non, on est à Tokotina et pas à Luba. Ils n'ont pas à Kuba. Ok. On est à Kuba, à Luba. Tous les auditeurs, mon soussou, merci. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Message SMS. Bonjour Top Congo Ndeko Cédric Kimbangu. Ceux qui balingi côté Kamutu, Bakosala, Seyamapeka, P. Minu Yamoto, Mituna na Papa Thomas, Elingi Koloba, histoire Bandaki na Baindo. J'ai pas bien compris la question. Ceux balingi côté Kamutu, Bakosala, Seyamapeka, na Minu nae. Je n'ai pas compris non plus. Bonjour Top Congo, tous autres tuna. Voilà, Ndeko Kinamarumosusu. Message Mosusu. Bonjour Thierry P. Ndeko Luaka. Ce qu'on a demandé, si la bus CD Tokozo Yango Wapi Po et P. besoin un numéro à téléphone Yandeko. Monsieur Willy Ndaka depuis Kingabwa P. Point show. Alors, il y a un coma. Déjà, ce émission est disponible dans la plateforme Top Congo. Na YouTube, oui, na Facebook. Bonjour, comment Royaume Kuba a disparu et en quelle année? Royaume Kuba disparaît en déni penambulanini. Royaume Kuba tolobi ango c'est l'État indépendant du Congo tangweye. Et comme ko sangisa ba entité politique nyonso o ezaki n'espace e comme Congo ba imposé bango autorité à l'État. Voilà comment babilokani disparaît. Physiquement ezali hein, lelo na bisi bino nimi azali, nimi kwete azali en fonction mais pouvoir bazaki nango autorité bazaki nango ezali société l'État congolais a récupéré pouvoir nyonso. Dans une des commissions nationales, 085 000 44 44 471 085 000 44 40. Allô? Allô, bonjour Top Congo. Bonjour. Maman Rose Kapinga. Ngai nazo senga bouyi. Po minute oy bo pechi awa, to go ka bisonyo soti. Et puis kolanda eza parfois ba nini tozo te retenir makamu soti. Est-ce que le discours si fort pour si atteindre le Top Congo, tu es au somba ou bien atteindre la carte mémoire pour de temps en temps, mon pied moko a zo révisionné pour aller de l'histoire et en bon canal du somme à l'âme pour minute ou en examouké et puis tout ça a évité proposition en gavant à ce que vous trouvez place dans le Top Congo. Merci, maman Rose. Toyo Kio, souci les alli que batoubaye ba davantage histoire trouika à cause à la SNS en gros l'obélango. On va trouver un mécanisme. Non, pour la préoccupation, je vais maman. Maman Kapinga, ce qu'on continue à YouTube, hein, au Kenya Top Congo, bah émission, nous sommes tous à la cause, et à la cause, vous voyez, quand elle a moins de 10 fois, otali obandeli otali obandeli male male mais ali disponible sur YouTube, maman côté na YouTube. Parfois ça peut paraître compliqué. OK, OK. Toyokio. Toroluka solution. Bonjour papa Thierry, bonjour papa Luaka. Est-ce que moi et papa Thomas ouais, c'est la même chose hein, Ndeko. Ndeko Djeko John. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Naenda kuna papa Thomas Luaka, siki ba mboshi ba zakaka ba Kongolais, ba uta na Kongo la biso awa. Bamboshi bauti na Congo oyabiso bakatisi na 17e siècle ba s'installer na Congo Brazzaville. Lelo oyo bazali ba Congolais ya Brazza. Lokola pe ba Lari baza ba Congolais ya Brazza. Allô, bonjour. 089 44 44 471 085 000 44 40. Allô? Allô, oui. N'appelle pas monsieur Thomas Loa Kapo, des amas pour éviter ce soudique. Tozo Kayo. Papa, tu n'as pas dit que tu n'as pas Merci beaucoup. Alors, tous les auditeurs, moi, sous 089 44 44 471. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui. Avec intérêt, j'ai suivi l'émission. Hein, merci. Le Royaume Kouba. J'aimerais savoir ce qui actuellement l'actuel roi Kofi, mode accession au pouvoir, et que ça a du côté matriarcal ou bien ça a changé dans l'entretemps. Parce que je sais que l'actuel, il a pris un peu de l'âge, le Mimikouet. Actuellement en Belgique, il est un peu plus avancé, plus de 80 ans. Voilà ma question. Non, la tradition, ils ont changé, et pas y'a Kouba, c'est toujours les neveux. Bana ya sœur mutwa succès d'akaye. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 089 44 44 471 085 000 44 40 mais et le quoi ne pousser à peine poser question likambo ya royaume Kouba na forma na yango ya kala. Et Koufa parce que to comme une république. Tout à fait. Mais forma réduit to na moins dimension moko ya se ezali kaka. Contrairement au Royaume Congo, contrairement au Royaume Teke, voilà. Non, Royaume Congo est Koufa parce que les autres sont à Mani Congo. Mais Royaume Teke, formellement, ça continue parce que Nabisio, Makoko, donc le roi, Azali Tilelo, Nambé, à 143 km. Il y a Brazzaville, ce que je veux dire, c'est à peu près 3 heures de route, au Kenokutanaye. Donc formellement, Bazali Wana, formellement, le Royaume Kuba est toujours là. Formellement, l'Empire Lunda est parce que moi, il y a Vazali en fonction. Donc, formellement, Vazali, mais pouvoir au Bazala Kinango est très, très, très diminué. Bonjour, Top Congo. Encore une fois de plus, merci à beaucoup à Papa Thomas Luaka. C'est Faye Mopa depuis Matongé. Moutouna Mosusu, bonjour Thierry, Pena Papa Thomas Luaka. Moutouna Nanga Ezali Kaka sur Royaume Kuba. Comment le successeur du roi Nimi Oyo Azana famille te soki alingi alongwa nani ako remplacer ye Azali na famille te dans la gestion du pouvoir c'est-à-dire ba trafic d'influence ezali te moto ya kolo bakenga naza papa leki nayo nganaza noko nayo wana ezali te azali kokonza mais dans la succession ba yebi ke bana ya sœur na ye bangonde bako succéder. Tous les auditeurs, Moussousou, Poto Soukissa. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Thierry. Bonjour, monsieur Thomas. Oui, bonjour. Je vous appelle depuis la commune de Lemba, quartier Guigny. Nous vous écoutons. Je suis très content d'avoir de suivre l'émission. Moi, personnellement, je viens du territoire de Mouikala où se trouve le royaume Kuba. Il fallait un peu préciser que le royaume Kuba se trouvait dans le Kassai central. Mais avec le temps, ces royaumes se trouvent déjà dans le rayon et dans la province du Kasaï. Quelque chose que je voulais un peu parler, l'histoire, bon, elle est bien, mais sinon il fallait un peu faire de recherche, parce que à tant qu'originaire de ce territoire, et je fais partie du royaume, j'ai vu qu'il y a un peu de points où il n'y a pas de précision. Comme quoi? Ouais, j'allais dire ça, surtout à ce qui concerne comment les serfs du roi pouvaient donc prendre plusieurs hommes. Ok, surtout ça, personnellement, quand j'ai grandi, on m'a appris que non, c'est le roi qui avait accès. Donc, avoir plusieurs femmes, par exemple, vous avez votre femme et que le roi l'enviait directement, vous allez la perdre. C'est un peu dans ce contexte-là que le roi pouvait s'acquérir de n'importe quelle femme qu'il trouvait jolie ou belle dans son royaume. Mais sinon, avec les recherches, je pense que ça pourrait un peu aider beaucoup de gens à acquérir une connaissance approfondie sur le royaume Kuba. Et puis, je dis merci à notre chercheur, parce que le travail qu'il est en train de faire, il n'est pas financé, c'est bénévole. Du coup, coup de chapeau avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Wakuba, Kuba... Bon, tout le monde est là, parce que M. Zangala, ah, oui. Il y a l'objet plutôt que... Naoye oui, Ayebi, c'est le roi. Ce roi, c'est pas moi, c'est moi. Non, non. Et pas Bakuba, à un certain moment, Tiaki institution, Oyo. Chaque clan et pas Bakuba azala qui n'a obligation ya kotine de la roi Mwasi. Donc chaque clan envoyait une femme et pas ba ne kotine de la Mwasi, mais roi azala qui n'a droit ya kobote la Mwasi ya mutute. Mais o nazali ko expliquer privilège polyandrique ya ba sœur ya nani beaucoup trouver ngona livre et notre grand historien na pêché kutumbote parce qu'auti ko landa azolanda biso professeur Isidore Ndaiwel alandi biso a féliciter nga kutu ndenge nini n'a parvenu qu'à expliquer privilège polyandrique on a bien parce que c'est compliqué pour nous expliquer n'engenini bande koba serianimi bazala kana droit ya kobala mobali obalingi. Merci beaucoup. Merci au docteur Thierry Bobanga. Yende mtakoma un message ya liboso na tangaki na bosa na ikombona. Merci de kotoma luaka. Non, peut-être le kwa suka rapidement. Quelques combos ya ba kuba obayebani hein. Tozana Nimi Kwete, on a aussi Koloba, procureur Emmanuel Minga, Azalak ancien procureur honoré général à la Cour constitutionnelle, Évariste Boshab, honorable Maneng Makong. Voilà les quelques Kuba hauts aux Anabango, les Loba Misubatika. Merci Mingi Nayo, Lissousou Pona Ndenge, Oeko Solana Biso, Kokabuana Biso, Lissoloyo. Mbala Sima, Torolo Bela Masolo, Misusu Kaka la découverte ya histoire ya Mboka na biso. Merci na bino banso ba ebo landi pe botali biso. Na rappele que ba émission na biso za disponible na ba plateforme nyonso ya Top Congo en ligne, YouTube, Facebook, toza ba émission na biso ezali. Pour que vous retrouvez en peu que landa yango à tout moment. Merci na Legotoma Luaka, à mardi prochain. Merci d'invitation à Top Congo. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. L'inspection générale.